Musique ? Quoi, musique ? Ton ami veut de la musique. Branche la guitare. Branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous appuyez et plaf ! Quelqu'un de tout à fond, je vous fais chier avec ces bombes. Tu crois que ça va être tout à fond, le rock, c'est tout à fond. Cool, tu vas te coller un ulcère avec ton agressivité. Bienvenue à toutes et tous dans les Générations Rock, une émission de Radio Fadjet qui vous propose un voyage temporel entre 1960 et 2010. Ce soir, une playlist avec entre autres du punk 77, de la pop et de l'indie rock des années 90 et 2000, et une page spéciale à David Johansen des New York Dolls, décédé récemment. Le tout dans un mélange de groupes connus et moins connus. Les Clash ont ouvert le bal avec Card Sheet sur le mythique album London Calling, sorti en 79 sur CBS Records, la plus importante compagnie de disques anglo-saxonne de l'époque. Une union qui ne sonne pas très punk à première vue, mais tout n'est pas si simple. Bernard Rhodes, leur manager, est, en son fort intérieur, convaincu que le punk n'a pas d'avenir et qu'il vaut mieux se dépêcher pour toucher le pactole. Alors quand en 76, CBS met la somme importante à l'époque de 100 000 livres sur la table, il préfère fermer les yeux sur les autres clauses du contrat et invite ses poulains à signer. Ceux-ci, par naïveté diront certains, ne lisent pas le contrat et signent. Joe Strummer dira plus tard que que l'important pour lui est que leur musique soit accessible à tous. Mais dans le contrat, CBS a tous les pouvoirs, y compris artistiques, et le conflit commencera dès le premier album avec le choix de la pochette. Ce sera le début d'un long combat rock permanent entre les Clash et CBS. Lutte des fois gagnée, des fois perdue, mais qui sera un exemple pour d'autres artistes. Et voici un autre groupe de l'époque, Sum 69. Chance, don't care about what I do. When I've done them things, I've done them just for you. Now I'm getting out, getting back to you. There's gotta be a postal breakout. There's gotta be a postal breakout. There's gotta be a postal breakout. There's gotta be a postal breakout. I'm nearly over. I ran through that door, coming back to you. Now I'm getting out, getting back to you. There's gotta be a postal breakout. There's gotta be a postal breakout. There's gotta be a postal breakout. There's gotta be a postal breakout. Just for once, find it alright for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Sneaking in the back door with dirty magazines. So your mother wants to know what all the stains on your jeans. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. But you still keep a beat and you meet to pop. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're a kicker sonova. You're a no-Joseph. It's a live on a fucking yourself to death. Orgasm addict. You're an orgasm addict. Assistants and bellhops, you found them all here and there. Children of God and the joy strings, international women with nobody hair. Ooh, so well you're asking in an alley and your voice ain't steady. The sex mechanics are off, you're more than ready. You're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Johnny won't fuck you always and always. He's got the energy, he will amaze. He's an orgasm addict. He's an orgasm addict. He's always at it. He's always at it. And he's an orgasm addict. He's an orgasm addict. This is a modern world. This is the modern world. What kind of fool do you think I am? My inspiration drive. Après les Sham 69, on a eu le premier groupe punk de Manchester, The Buzzcock, avec Orcas Addict, puis The Jam avec le titre The Modern World, sorti en 77 sur leur deuxième album, This is the Modern World. Le groupe aura un vif succès en Angleterre, où ils seront présentés comme les héritiers des groupes mods des années 60, tels que The Who, The Kinks ou Small Faces. The Jam mêle son brut et paroles sociales sous la plume de leur chanteur Paul Weller. Ces chroniques virulentes de la vie de la classe moyenne seront en grande partie responsables du succès du groupe auprès des jeunes anglais. Pete Townshend de The Who ne tardera pas à les considérer comme son digne successeur. A noter que leur batteur Rick Butler est mort en février à l'âge de 69 ans. En 89, les Mancuniens de James sortent en single Sit Down, dont ce petit texte trouvé sur internet, que je vais vous lire, est révélateur de l'attraction du groupe. Les yeux dévorants, les textes sur le bout des lèvres, les gamins du premier rang fixaient Tim Booth d'une manière dont peu de chanteurs peuvent se vanter de l'être. C'était au Marquis. Le single était à peine sorti, que déjà ce parterre de gosses sidérés le connaissait par cœur, dévoué au charisme du chanteur. Sit down.

Oasis avec Wonderwall, sorti en 95. Oasis de retour dans l'actualité, puisque les deux frères Gallagher ont enterré la hache de guerre pour reformer le groupe le temps d'une tournée anglaise cette année, et peut-être une tournée mondiale l'année prochaine. La vente des billets via Internet a été un drôle de bazar. Outre les pannes dues à un nombre incroyable de connexions, Ticketmaster a pratiqué la tarification dynamique, joli terme pour une arnaque, qui consiste à augmenter le prix des billets en fonction du nombre des places restantes et de gens souhaitant en acheter. Vous écoutez les Générations Rock sur Radio Fadjet et on passe aux Levellers, formés à Brighton en 88. Le groupe sera inspiré par la musique celtique, le folk et le rock. Leurs chansons sont engagées en faveur de l'environnement, contre les abus de pouvoir, le capitalisme et l'armée ou à propos de thèmes de société. En 1994, le groupe acquiert une usine, surnommée le Metway, et en font leur quartier général. Le lieu abritera leurs locaux, un fan club, des salles de répétition, un bar et un studio d'enregistrement. Voici 100 Years of Solitude sur leur album nommé Levellers. just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. Sortie du single Creep de Radiohead, qui apparaîtra sur l'album Pablo Honey l'année suivante, album produit par Paul Colderi et Sam Slade, connus pour leur travail avec la scène grunge américaine. Creep ne deviendra pas immédiatement un tube, refusé de passage radio sur la BBC One, car jugé trop dépressif. Pour qu'il puisse passer sur MTV, Tom York modifiera les paroles. Dans cette nouvelle version, le mot « fucking » sera remplacé par « very ». Direction Leeds avec le Wedding Present emmené par David Gedge qui sort en 87 son premier album George Best, référence à la star nord-irlandaise de foot des années 60. Au départ, le Wedding, c'est souvent des pop songs joués rapidement sur fond d'électricité. Après 5 albums, dont 2 produits par Steve Albini, Gedge coupe le courant en 96. 9 ans plus tard, le Wedding revient avec l'excellent album Take Fontaine. C'est un disque différent de ce qui se fait à l'époque, une sorte de leçon donnée par la vieille garde du rock britannique aux petits nouveaux. Évidemment, David Gedge n'a plus 20 ans, et le désir de jouer très fort, de se défouler, a laissé la place à des mélodies et une écriture belle à pleurer. On va écouter un extrait de Take Fontaine, le morceau Queen Anne. When you push your hair away and stare at me with sleepy eyes, I get a feeling. But this is worse. I just wanna cling to you and save you from the universe. Cause I have fallen in a way I've never done before. You're all I need today. I don't want anything more. And as unlikely as it seems, it's as if you just I need to. My Broad 2 des Canadiens Arcade Fire, sorti en 2004 sur leur premier album Funeral. L'album va vite connaître, à juste titre, un succès critique et public. On ouvre l'hommage à David Johansen, la voix des New York Dolls, qui s'est éteint le 28 février dernier à l'âge de 75 ans suite à un cancer. Afin de tenter de se soigner, il avait dû organiser une collecte de fonds. C'est en 71 qu'il forme les New York Dolls avec Johnny Thunders et Sylvain Sylvain aux guitares, Arthur Killer Kane à la basse et Billy Mercier à la batterie. Ce dernier meurt d'overdose lors d'une tournée en Angleterre et est remplacé par Jerry Nolan. Rapidement, le groupe se fait remarquer par ses concerts sauvages, son look outrancier, sa musique électrique et les performances de Johansen, un showman talentueux avec une capacité étonnante de donner vie à des personnages en tant que parolier. Le décrivait ainsi le magazine Rolling Stone. 73, premier album intitulé New York Dolls, où sur la pochette, les membres du groupe posent travestis en femmes. En ce début de décennie, les Dolls, avec ce disque, vont botter le cul du monde du rock, qui commence à sentir le formol après le faste des 60s. Les guitares abrasives fusillent tout ce qui passe, Johansen plaçant sa puissante voix dans ce déferlement sonore. Et comme l'écrivit un critique, il s'agissait en fait du son du métro, des poubelles puantes qui débordent, des marginaux de Times Square. Human Being en 74 sur le deuxième album des New York Dolls intitulé Too Much Too Soon, trop, trop tôt, qui sonne comme l'épitaphe sur la tombe des Dolls. Trop de drogue, trop d'outrance, trop incontrôlable. Trop tôt, car il faudra attendre les punks anglais pour les encenser et mettre sous les projecteurs leurs deux albums. Puis le hard rock glam récupérera leur look. Le batteur de Motley Crue déclarera que les New York Dolls étaient, je cite, les premiers à s'habiller de cette manière. Les Guns N' Roses les reprendront sur leur sur l'album The Spaghetti Incident, album de cover dédié à leurs influences. Après l'échec commercial de ces deux albums, leur maison de disques les lâche. Malcolm McLaren, futur fondateur des Sex Pistols, les manage désormais, mais Fenders et Nolan tirent le rideau, partant former les Heartbreakers, tandis que Johansson se lance en solo avec le guitariste Sylvain Sylvain dans ses bagages. Il va enregistrer 5 albums solo au total, dans l'indifférence générale. On écoute Pain in My Heart en 78. David Johansen est l'un de ces chanteurs, pour être un peu paradoxal, qui est techniquement meilleur et plus polyvalent qu'il n'y paraît, écrivait le Los Angeles Times. Sa voix a toujours été un peu comme une corne de brune, plus ou moins aiguë selon l'âge, les habitudes et les chansons. Mais elle possède une rare urgence émotionnelle. À la fin des années 80, David Johansen décide de devenir Buster Poindexter, nouvelle orientation dans sa carrière, devenant un crooner et un acteur. Il ne laissera pas beaucoup de traces sur les pellicules et sortira 5 albums sous ce nouveau pseudo, décrochant un mini-hit avec un titre kitsch, Hot Hot Hot, sa version d'une chanson de musique calypso. Il ne compose guère plus, il ne compose plus que très rarement, comme ce titre Heart of Gold, sorti en 87. Buster Poindexter sur Radio Fadjet. En 2004, Morrissey, ancien leader des Smiths et admirateur des New York Dolls, il fut dans sa jeunesse le président du fan club anglais du groupe, donc Morrissey convainc David Johansen et les autres membres survivants de se reformer pour un concert en Angleterre, ce qui a ensuite donné vie à une tournée et à deux albums studio, honnêtement sans intérêt. En 2023, Martin Scorsese réalise un documentaire intitulé Personality Crisis, One Night Only, consacré à David Johansen, et Scorsese qui en 2016, dans l'épisode pilote de la série Vinyl, reconstituera avec magie et folie un concert des New York Dolls. Voilà, les générations rock, c'est fini. J'espère que vous avez passé un bon moment, et en tout cas, merci de votre attention. Si vous avez pris l'émission en route, le podcast sera disponible sous 24 heures sur la page Les Générations Rock de Radio Fadjet, où vous pouvez aussi retrouver toutes les archives de l'émission, ainsi que le lien vers la page Facebook. Après un dernier titre, à 21h, Agathe vous attend avec ses Y Girls pour du rock féminin, puis à partir de 22h, une programmation 100% rock sur notre antenne. On se quitte avec The Undertones et le titre Julie Ocean. Bonne soirée à tous, ciao ciao! Smile.